Je vous pose la question. L'attente, est-ce quelque chose d'insupportable pour vous? Est-ce que cela vous place dans un état d'impatience et le cas échéant de déception? Par exemple, vous attendez la première rencontre avec quelqu'un et vous vous apercevez que cette personne est horriblement laide et qui plus est détestable à un point tel qu'elle fait passer agréable une coloscopie. Ou bien, vous attendez impatiemment un événement particulier, tel un spectacle ou un visionnement au cinéma, et que l'événement en question est tellement décevant qu'à côté de celui-ci, une amputation est divertissante. Bref, l'attente est un état sur lequel on ne peut avoir aucun contrôle, puisqu'il fait partie du futur. Mais rassurez-vous, le futur n'est pas toujours une attente décevante. Et de toute manière, le futur, c'est maintenant. Il fait déjà partie du passé. Et effectivement, les attentes ne sont pas toujours décevantes. La preuve, j'attendais avec impatience la sortie du nouvel album de Meshuggah et je suis loin d'être déçu. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout s'il vous laisse poireauter dans sa salle d'attente pendant plusieurs longues heures pour finalement venir vous voir et vous annoncer qu'il ne vous reste plus que 2 heures à vivre. Et ça, c'était il y a 6 heures. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause hi, Pendragon. Said so. Go. You're in for a surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. The fear, never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless, except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. We'll be right back. je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 11 octobre de l'an de disgrâce 2016. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement et ce jusqu'à 21h si vous êtes bien sage, bien entendu. Sinon, je coupe ça là. Ah, il n'y a pas de protestation, il devrait être sage. On vient d'entendre la formation américaine Death Angel et une pièce tirée de leur plus récent album The Evil Divide qui est paru le 25 mai dernier sous étiquette Nuclear Urblast. C'était leur 8e album studio complet en carrière et la pièce était Father of Lies. Bon album pour Death Angel. Je crois que décidément ils ont de bonnes sorties systématiquement depuis un certain nombre d'albums et au niveau du trash américain, ils sont pas mal en tête de liste selon moi. Juste avant, nous avions Exodus, une autre formation américaine qui elle aussi donne dans le trash metal. Et la pièce Assault of the Wound, qui est tirée de leur plus dernière, la plus récente, effectivement, qui est parue en 2014, soit Blood In, Blood Out, qui est parue, hier, il y avait 2 ans, le 10 octobre dernier, hier, c'était le 10 octobre dernier, effectivement, c'est le dernier en liste. c'est le 10 octobre 2014, bien entendu. Juste avant, nous avions un Anthrax, une autre formation américaine et une pièce tirée de leur dernier album paru le 26 février dernier, soit For All Kings, soit la pièce Evil Twins qu'on trouve sur Megaforce. Ça fait 35 ans que Anthrax existe. Ils n'en sont qu'à leur, si je ne m'abuse, 12e album studio. C'est pas beaucoup là. C'est pas 1 aux 2 ans là. C'est pratiquement 1 aux 3 ans. Come on, Anthrax là. Personnellement, je trouve que le meilleur d'Anthrax, si je fais abstraction de Fistful of Metal, bien entendu, qui est mon album préféré de 84, premier album studio de la formation, Spreading the Disease aussi, qui était intéressant, et Among the Living, mais je reviens fatalement à Fistful of Metal, la période qui était aussi très intéressante, et la période avec John Bush, bien entendu, qui était, selon moi, le meilleur chanteur qu'Anthrax ait pu jamais avoir eu, et aussi un des très bons chanteurs de la scène métal. Ils ont décidé de ramener Joe Belladonna. Moi, personnellement, ça n'a pas fait vraiment mon affaire parce que je trouve qu'il y a un peu un vocal feluette là, pour ce qu'Anthrax peut faire. Mais ça plaît à certains, moi, moins. Mais je déteste pas tout de même, mais j'aurais aimé ça qu'ils puissent s'entendre avec John Bush parce qu'ils l'ont niaisé un petit peu, finalement. Et on est ouvert avec une formation danoise, soit Merciful Fate, que vous aurez probablement reconnu, du moins j'ose espérer, avec la voix si emblématique de King Diamond. Une reprise d'une pièce de Judas Priest, soit The Ripper, qu'on retrouve sur Tribute to Judas Priest, The Metal Legends, qui est paru en 1997. Et chose étrange que je me suis amusé à regarder sur Internet, c'est que il y a un volume 1 et un volume 2. Le volume 1, on retrouve des bands comme Halloween, Fate Warning, Gamma Ray, Devin Townsend, Merciful Fate, bien sûr, Testament, Udo, Saxon. Alors que le volume 2, on retrouve des formations comme Ice Earth, qui reprennent aussi à leur tour The Ripper, Blind Guardian, Nevermore, Forbidden, Overkill, Creator, pour ne nommer que ceux-ci. Et mon édition à moi, celle que je possède, c'est un peu pléonasme, mais j'ai l'impression que j'ai un mélange des deux, parce que sur l'album que je possède, je retrouve les deux versions de Ripper, soit celle de Ice Earth et celle qu'on vient d'entendre de Merciful Fate. Étrange. C'est peut-être une erreur qui fait de cet album une valeur inestimable, quoique j'en doute beaucoup, mais je sais pas pourquoi. Peu importe. Ce soir, bien entendu, je vous présenterai, on fera une incursion dans cette nouvelle parution de la formation suédoise Meshuggah. Je parle de l'album The Violent Sleep of Reason qui est paru vendredi dernier, soit le 7 octobre sur Nuclear Blast. C'est un petit peu plus tard dans l'émission. Mais entre-temps, on a d'autres choses intéressantes, je suppose, je l'espère.

in the flesh. Flesh. Flesh. Vous êtes assez, assez, assez. 80. Fiers partenaires de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'émission s'appelle Assemblage requis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. h 52, 53 maintenant, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM en mon aimable et charmante compagnie. Juste avant la pause publicitaire, on a entendu un petit bloc qui était, relativement death metal, qui était composé de ce qu'on vient d'entendre avant cette pause, soit la formation suédoise Ion et la pièce Nothing Left to Destroy, qui est tirée de leur quatrième album Ion's Black, qui paraît en 2012 sur l'étiquette Metal Blade. Juste avant, nous avions une formation américaine qui porte le nom de Divine Heresy, formation qui est actuellement dans un statut de pause, semble-t-il, et qui est un... on peut le dire par moment, c'est vraiment un émule de Fear Factory. Évidemment, puisque le leader du band n'est nul autre que Dino Cazares, qui est aussi derrière Fear Factory, bien entendu, qui, à l'époque, était accompagné de Travis Neal, le deuxième chanteur. Je parle plutôt du premier chanteur qui avait été remplacé, effectivement, qui était Tommy Vex, voilà. De Tim Young aussi, à la batterie, qui a été plus tard, avec Morbid Angel, et ex-Morbid Angel maintenant, et de Joe Payne à la basse. Ben, ça sonne vraiment pas mal. La production est vraiment très, très bonne. Par contre, il y a de bonnes pièces là-dedans, mais en fait, on reconnaît indéniablement la signature qu'on voit avec Fear Factory, donc c'est pas d'une originalité fracassante de Divine Heresy, mais dans le type, je dirais, de métal à connotation cybernétique, c'est dans le pas mauvais du tout. Juste avant, nous avions Hail of Bullets avec la pièce... qu'est-ce que je raconte là? Moi, Divine Heresy, c'est Impossible is Nothing. C'est tiré de Bleed the Fifth, qui était le premier album en 2007 sous étiquette Roadrunner. J'allais oublier l'essentiel. Juste avant, nous avions effectivement Hail of Bullets et la pièce Advancing Once More, qui est tirée de l'album Of Frost and War, qui est le premier album de cette formation qui, ma foi, existe toujours, formation des Pays-Bas, qui existe toujours, mais actuellement et depuis le dernier album, Rommel de je sais plus trop quoi, Third de Rommel Chronicles. Et c'est pas facile. Ce Martin Van Dronen a quitté le band ou s'est fait remercier, je peux pas vous le dire exactement. Il était remplacé par Dave Ingram, qui est avec eux actuellement. Il semble pas avoir de projet annoncé, du moins pour une nouvelle sortie studio pour Hell of Bullets. Mais c'est une des formations que j'aime énormément dans le métal. Un heureux mélange entre le Doom et le Death. Et je trouve que ça sonne vraiment bien. Évidemment, le sujet principal de Hell of Bullets, ça s'attarde toujours et principalement à la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai toujours admiré beaucoup le vocal de Martin Van Dronen. Plusieurs me disent, il n'en a pas de voix. Il ne fait que crier et hurler en s'époumonant, alors que c'est faux. Il y a une technique vocale assez particulière qui lui donne ce timbre de voix qui est aussi très particulier. D'ailleurs, j'aurais pu le placer dans notre spécial rock classique là, des meilleures voix métal et rock et métal plutôt, mais j'étais pas certain qu'Alain ça lui tentait d'entendre ça, donc mais il fait partie effectivement d'une de mes voix préférées dans le métal. Et c'est Dave Ingram qui est avec eux maintenant au vocal depuis cette année. Eh bien, il a aussi fait partie entre 98 et 2004 de la formation qui a ouvert le bloc, que ce soit Bolt Thrower, formation défunte, bien entendu, puisque, je dis, bien entendu, non, ils auraient pu continuer, évidemment, mais je pense que le noyau était tellement serré entre eux que lorsque le batteur est décédé de façon assez surprenante au courant de cette année, ils ont décidé de mettre un terme à leurs activités, du moins jusqu'à aujourd'hui. La pièce étant de Kill Chain, qui est tirée de leur dernier album paru en date jusqu'à aujourd'hui, soit en 2005, sur Metal Blade, soit Those Once Loyal, qui était leur 8e. Et on calcule ça rapidement comme ça, là, ça fait déjà 11 ans et ils n'avaient rien sorti depuis les 11 dernières années de matériel original de cet album studio complet. Ce qui est un peu poche, selon moi, là, pour les amateurs du groupe, là, d'attendre, puis finalement, on n'attend plus, il se passera plus rien. Mais en tout cas, il reste qu'ils ont toujours sorti des choses intéressantes par le passé qu'on peut réécouter tant qu'on veut, finalement. Je vous parle un peu de musique, de trucs que j'ai découvert et écouté. Une formation américaine qui porte le nom de Prophecy, qui donne dans un brutal death metal. Quatrième album, cette formation, The Beginning, qui est paru il y a quelques temps, à peine quelques jours, sous étiquette Prophecy Records. Je suppose que c'est leur propre étiquette. C'est une formation que j'avais oubliée. J'avais oublié pour diverses raisons parce que honnêtement, ça passe un peu inaperçu à mes oreilles, ce groupe-là. Pas nécessairement que la musique, leur death metal n'est pas bon. Il est correct sans plus. C'est surtout au niveau du vocal de Jacob Mathes qui, moi, je trouve qu'il y a une certaine quelque chose qui accroche. J'ai jamais vraiment aimé le vocal. Entre guillemets, rince cochon, là. Bon. Ouais, c'est pas une très bonne imitation, j'en conviens, mais ça image assez bien la chose. Qui l'utilise à certains moments, dans certaines pièces, qui font grand contraste, mauvais contraste, je dois dire, avec son vocal beaucoup plus growl et beaucoup plus gras, qui, selon moi, devrait être utilisé à part entière de A à Z dans l'enregistrement de ses pièces. Mais cet aspect-là me rebute un peu, donc il le fait pas systématiquement partout dans l'album, heureusement. Il y a des bonnes pièces. Mais l'ensemble de l'album, je suis pas convaincu. Autre truc que j'ai découvert, j'en reçois beaucoup d'albums promotionnels de toutes sortes, que ce soit en version CD ou en version numérique. Et j'ai reçu ça de la part de John Asher, qui s'occupe de faire la promotion des formations canadiennes. Ça porte le nom de... C'est une formation montréalaise qui porte le nom de Fractal Cipher, qui donne dans un métal progressif L'album qui vient de paraître et qui semble être leur premier s'appelle The Human Paradox. C'est sorti de façon indépendante. C'est disponible en CD et en digital. Je dois avouer que, généralement parlant, le métal progressif en tant que tel, je suis pas nécessairement très amateur de ça, mis à part certaines exceptions. Parce que je trouve que souvent, c'est un peu répétitif, c'est un peu la même chose que le prédécesseur ou le voisin fait, ou l'album précédent, ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de performances dans ça, beaucoup de notes qui veulent mettre en valeur les musiciens. Ça, à ce niveau-là, j'ai absolument rien contre ça. C'est peut-être plus au niveau de cette récurrence, de cette redondance de, je dirais, de composition. Et comme je disais, à quelques rares exceptions, Fractal Cipher, pour moi, j'ai trouvé que c'est un album, initialement, je vais être honnête, qui est pas ce qui vient m'accrocher rapidement et sur le moment. Ça nécessite probablement plusieurs écoutes avant que je puisse l'apprécier convenablement ou à sa juste valeur. Mais je reconnais volontiers d'emblée que cet album a une certaine dose d'originalité et que les musiciens sont effectivement très bons. Parce que, faut se le dire, on peut pas se le cacher, dans le métal progressif, ce qui fait notamment la grande différence entre un album qui va être peut-être plus accrocheur ou en fait plus flamboyant, c'est la qualité des musiciens. Ici, Fractal Cipher, des musiciens qui sont très bien. Un type d'enregistrement qui est irréprochable au niveau de la qualité. Une présentation graphique qui est absolument parfaite, là. Je veux dire, pour le genre, là, c'est une belle composition graphique. Et certaines pièces sont assez intéressantes, je dois dire. Est-ce que j'en passerai à réanimation? Ben, vous savez, j'ai une tendance pour les choses un peu plus massacrantes, généralement parlant. Je dis pas non, par contre. Ça ne sera pas aujourd'hui. Mais je ne dis pas que je ne passerai pas une pièce ou deux à l'occasion de Fractal Cipher, parce que dans le genre, j'ai trouvé que ça se démarquait assez bien. Et évidemment, ben il y a ce fameux album de Meshuggah qui porte le nom de The Violent Steep of Reason, que je vous présente dans quelques instants à peine, qui est leur neuvième album studio en carrière. Formation qui existe depuis... une formation suédoise, dois-je le dire? Ben oui, je vais le dire. Qui existe depuis 1987, qui a donné initialement dans un, je dirais, un technical trash death, et aujourd'hui qui donne carrément dans un djent. Moi, je suis un fan de Meshuggah depuis le début. J'aime à peu près tout ce qu'ils ont fait comme album. J'en ai des préférés, bien entendu. Ils font partie de mes groupes favoris au niveau du métal. Quand je dis album préféré, bien, je dois dire que Chaosphere a toujours eu, pour moi, mon assentiment. Et l'album Nothing aussi. Ici, avec cet album de Violent Sleep of Reason, plusieurs s'accordent pour dire qu'il s'agit du meilleur album de Meshuggah. Est-ce que c'est le cas? Ben, je dirais qu'il fait facilement partie des meilleurs albums de la discographie de Meshuggah. Je le trouve vraiment très bon. On revient un peu à une structure ou une forme qu'on avait peut-être mise quelque peu de côté initialement. Pas qu'on avait mis de côté initialement, mais une structure qu'on avait adoptée initialement et mise de côté. Je reformule ma phrase, c'est mieux ainsi. Avec une sonorité qui est tout aussi actuelle, par contre, mais on sent que le vocal de Jens Kidman est revenu, selon moi, à sa juste valeur. Un album qui, somme toute, représente quand même 58 minutes 55 secondes, c'est pratiquement une heure, là, à 1 minute 5 de près. On en a pour notre argent, définitivement. J'ai beaucoup aimé cet album. Je vous présente trois pièces qui, je vous dirais, dans deux jours, dans une semaine, ça sera peut-être pas ceux-là, mais présentement, jusqu'à présent, je présente trois pièces qui m'ont vraiment inspiré, soit respectivement dans l'ordre de Clockworks, Monstrosity et Nostrum. Voici Meshuggah. site cfou.ca 89.1. Fier partenaire de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir d'où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes qui vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchot avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Hey! 20h27. Et avant cette pause publicitaire, nous avons eu, moi en tout cas, vous autres, j'espère que c'est le cas aussi, le grand plaisir d'entendre trois pièces extraites de ce nouvel album de Meshuga, soit The Violent Sleep of Reason, qui est paru vendredi dernier, soit le 7 octobre, sous étiquette Nuclear Blast. Il y a de belles éditions qui sont disponibles pour les amateurs, que ce soit en version CD, que ce soit en version CD Deluxe, Digibook, ainsi de suite, et aussi en vinyle, bien sûr. J'ai énormément aimé cet album. Honnêtement, j'hésite beaucoup à savoir jusqu'à présent quelle serait ma préférée, mais c'était une des deux que j'ai présentées, soit à l'instant, dans la pause publicitaire, la pièce Nostrum. J'ai un fort penchant pour elle jusqu'à présent, qui est la 8e de l'album, ou la précédente, qui était la 3e, soit Monstrosity. Ces deux-là, j'alterne et j'hésite beaucoup entre les deux. Ça va peut-être se modifier, mais chose certaine, ce sont d'excellentes pièces, tout comme la première, qui est aussi la première de l'album, qui était l'ouverture du bloc, soit Clockworks. Des pièces toutes relativement longues. La plus courte fait 4 minutes 34, si je ne m'abuse, alors qu'on a des pièces comme Clockworks de plus de 7 minutes, de plus de 6 minutes aussi. Donc, c'est un album qui en a pour, je dirais, près d'une heure d'excellente musique de cette formation suédoise qui est Meshuga, qui était leur 9e album studio complet de leur discographie. Notez que Meshuga existe depuis 1987. Donc, encore ici, 9 albums depuis 87. On ne peut pas dire que c'est exagéré, loin de là. Mais par contre, je crois qu'il est peut-être préférable. Bah, écoutez, à travers ça, il y a eu certains mini-albums, EP qui sont sortis, split, compilation, album live aussi. Mais d'albums originaux, studio complet, ce n'est qu'au nombre de 9 que leur discographie les compte. Comme je le disais, c'est peut-être mieux d'en avoir moins des fois et d'en avoir de meilleure qualité que d'avoir des discographies qui n'en finissent plus et de dire oh, une fois sur quatre, c'est pas mauvais, là. Mais bon, c'est pas le cas de Meshuga. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre opinion tout de suite. Je le savais, j'en étais convaincu. Vous avez apprécié, merveilleux. Moi de même. Donc, soyez assurés et certains que au cours des prochaines éditions de réanimation, nous reverrons Meshuga avec ce nouvel album de Violent Sleep of Reason de façon assez régulière. Je vous entretiens maintenant de cinéma et de séries télévisées. Chose peut-être intéressante pour les fans qui sont peut-être un peu bizarroïdes comme je suis, du genre, je parle des films de Godzilla. Bon, on sait qu'il y a 2 ans, si je ne m'abuse, 2014, oui, je crois que c'est ça, on avait fait un remake de Godzilla qui avait été, somme toute, assez moyen. Non pas techniquement, parce que techniquement, c'est tout à fait correct, mais... Quand on veut américaniser un produit qui est asiatique et qui fait partie de l'establishment d'un art asiatique, c'est difficile de le rendre à sa juste valeur et d'amener tout le charme qui vient avec. Ben voilà, et Godzilla Resurgence est un film qui sera en salle pour un temps limité et à des endroits qui sont aussi limités, si on veut, entre le 11, c'est-à-dire aujourd'hui, et le 18 octobre. Et c'est une production qui est nippone. Un film de Hideaki Anno et Shinji Iguchi. Bon, je n'y connais ni l'un ni l'autre, mais j'ai vu quelques previews et c'est du Godzilla comme on devrait l'aimer. Donc, je suppose que ça sortira sous format Blu-ray éventuellement, mais ce sont des sorties sporadiques comme ça. C'est sûr que c'est pas du film à grosse entrée box-office, mais c'est toujours intéressant de voir qu'on ramène le personnage de Godzilla dans diverses situations. Et le résumé est assez simple du film. Ben, c'est le retour de Godzilla qui, une nouvelle fois, menace le Japon. Bon, voilà. Ben, c'est pas mal tout le temps ça qu'il a fait, finalement. Ou quand il défendait, ben, il réussit à le détruire à moitié aussi. Donc, mais c'est le but du film, c'est de voir une créature gigantesque toute détruite. Bref, série que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé découvrir, surtout. C'est une série italienne dont j'ai dit quelques brefs mots la semaine dernière. Première saison qui date de 2014. Que j'ai découvert, oui, sur le tard. Comme je disais, série italienne de gangster, de mafia, qui porte le nom de Gomorra, qui est une... qui raconte l'histoire principalement à Naples de la famille Savastano, qui est dirigée par un impitoyable Don, qui est Pietro Savastano, bien sûr, et de tout ce qui gravite autour de lui, bien entendu, ces hommes de confiance qui sont de la vieille école, mais aussi toute la jeune racaille qui pousse autour de lui et qui pousse également pour en faire, se faire une place aux côtés de son fils qui initialement est une véritable mauviette, une grosse guenille, et qui devient, après une épreuve que sa mère lui a imposée dans des conditions qui sont, ma foi, souhaitables pour personne, devient quelqu'un de beaucoup plus affirmé, voire beaucoup plus violent. Gomorra saison 1 est vraiment une excellente série du genre mafieux. C'est très bien interprété. Et non, n'ayez crainte, vous n'avez pas à vous taper ça en italien, là. C'est disponible en français, là. Probablement en anglais aussi. C'est très bien traduit, soit dit en passant, hein. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et les personnages gagnent énormément en couleur et en importance au fil des épisodes. Qui, soit dit en passant, je crois qu'il n'y a que 10 épisodes. Du moins pour la première. Je vous le recommande définitivement. Et c'est tiré d'un roman best-seller qui a été écrit par je ne sais plus qui. Bref, Gomorrah, c'est très bon. Autre truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est j'ai eu finalement le loisir de visionner Star Trek Beyond, le troisième de cette série, qui cette fois-ci est d'une réalisation de Justin Long, Justin Lin. Au lieu d'être comme par le passé les deux précédents de J.J. Abrams, qui cette fois-ci ne se contente que d'être producteur, eh bien, Justin Lin, c'est quelqu'un qu'on associe à des trucs qui, moi, me plaisent moyennement. Les films de Fast and Furious, entre autres. Mais ici, avec Star Trek Beyond, il a fait un superbe travail. Ça met toujours en vedette Chris Pine dans le rôle de James Tiberius Kirk, Zachary Quinto dans le rôle de Spock, bien sûr, et Simon Pegg dans le rôle de Scotty. C'est un très bon film de science-fiction et d'aventure, et d'action même aussi, qui rend parfaitement justice à ses deux prédécesseurs. Il est tout à fait complémentaire et vous devez le voir si vous êtes amateur de science-fiction. Star Trek Beyond, c'est un excellent film. Autre truc qui a été relativement bien accueilli dans la maison Pendragon, c'est un film d'horreur à connotation hantise qui s'appelle We Are Still Here, qui débute très bien, pour être honnête, qui semble être prometteur. Et qui raconte l'histoire d'un couple qui voit leur fils, un jeune adulte, la perte de leur fils dans un accident de voiture et qui emménage dans la Nouvelle-Angleterre, dans une vieille maison qui a plus de, je dirais, 150 ans, je crois, pour refaire un peu leur vie. Et elle est persuadée que l'esprit de son fils les a suivis dans la maison, alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des esprits qui sont un peu plus malfaisants et on nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là. C'est très prometteur, mais à un certain moment donné, on dérape avec des personnages qui sont un peu bouffonesques, là, je dois dire. Tellement que je me suis même un petit peu endormi dessus. Donc, ça a plus ou moins réussi à me tenir en haleine. Ben, écoutez, c'était pas mauvais, là, mais c'était pas le film auquel je m'attendais, We're Still Here, mais ça avait rien à faire. Ça peut être divertissant. Un autre truc que j'ai découvert avec relativement de surprise et de façon agréable, c'est The Taking of Deborah Logan, qui est un autre film d'horreur à tendance thriller et possession, et qui raconte l'histoire d'une étudiante qui fait une thèse sur une thèse médicale et principalement sur l'Alzheimer, et qui demande à la fille de Madame Deborah Logan de pouvoir entrer en contact avec elle et de faire une espèce de documentaire en l'interviewant parce qu'elle est à la première phase de la maladie. Les deux conviennent d'accepter et elle et son équipe s'installent chez Madame Logan pour l'interviewer sur l'état dans lequel elle se sent et comment elle affronte la maladie pour se rendre compte qu'il y a des choses de plus en plus étranges qui se produisent et que ce n'est peut-être pas nécessairement l'Alzheimer qui lui fait avoir ces drôles de comportements, voire même provocateurs pour certaines choses. Mis à part le fait qu'il y a une section un peu plus, je dirais, dérangeante qui est filmée à l'épaule, qui va très vite et qu'on voit pas beaucoup de choses et qui donne un peu le mal de mer, je dois dire que The Taking of Deborah Logan, c'est un film qui est assez intéressant. Autre et dernier film que j'ai visionné, j'ai l'air d'en avoir écouté énormément, là, mais c'est toujours à temps perdu, là, ce qui est très rare. C'est Term Life, un film d'action policier avec Vince Vaughn. Et oui, Vince Vaughn, qui aurait cru qu'il aurait joué dans un film comme ça, mais oui, il le joue. Il le joue assez bien, je dois dire, avec Hailee Steinfeld et Jonathan Banks. Rappelez-vous du Mike dans la série. J'ai encore un blanc de mémoire. Vais-je le dire? Où Walter produit de la méthamphétamine. Bon, ça me, j'ai un blanc de mémoire, mais ça va revenir. Mais c'est le fameux Mike le Chauve, là, l'espèce de tueur à gages. Bon, il est dans le film et ça raconte l'histoire de Nick, qui est un quelqu'un qui fait la préparation théorique de vol audacieux et qui vend ses plans à des criminels. Et ça ne va pas comme il l'aurait cru. Et malheureusement, eh bien, le fils d'un narcotrafiquant d'importance d'un cartel mexicain se fait descendre. Et il est le suspect numéro un de la part des policiers, de la mafia, des narcotrafiquants et ainsi de suite. Donc, il doit absolument se sauver et protéger sa fille. Jusque-là, c'est un peu stéréotypé comme scénario, et c'est le cas. Mais il reste que c'est divertissant parce que l'action est quand même assez intéressante. Et je dois dire que Vince Vaughn, dans ce rôle-là, ben, il l'interprète assez bien. La semaine prochaine... il est fort probable que je débute de vous... je penserais pas avoir le temps de faire le tour, là, mais que je débute de vous entretenir avec la deuxième saison de la série Fear the Walking Dead, une série de AMC. On va retourner musicalement cette fois-ci avec une formation américaine de Chicago qui donne dans un death metal... qui porte le nom de Against the Plagues. Et je vous parle de leur troisième album qui porte le nom de Purified Through Devastation, qui est paru à la fin de décembre 2015. Et on va se taper aussi une petite pièce de Bloodbath, formation suédoise, avec une pièce qui est tirée de Unblessing the Purity, qui est leur deuxième mini-album et quatrième parution en 2008. Let's fucking go. We bring great score. 20h50 et l'émission s'achève assez rapidement. Ne pleurez pas, je serai de retour peut-être le mardi prochain. On vient d'entendre la formation suédoise Bloodbath et l'excellent vocal de Mike Akufelt dans la pièce Wake Aside, qui est tirée de leur deuxième mini-album EP, qui était aussi leur quatrième parution enregistrement studio en 2008. Swan Blessing the Purity, qui est paru sur Peaceville Records. Juste avant, nous avions une formation américaine du nom de Against the Plagues, un extrait de leur troisième album Purified Through Devastation, qui est paru en 2015 sur Non-Servium Record. La pièce était Praetorian Icon. Le temps de vous dire que ce vendredi, à compter de 11h, c'est l'émission Rock Classique, ici même assez fou, pour les vrais amateurs de vrai rock, dont je suis bien entendu, et Alain aussi, comme deux mordus de rock. Donc, nous allons vous présenter une émission qui est relativement dite normale. Et encore une fois, je me plais à le dire, si Rock Classique peut être normal. Non, absolument pas. Mais il n'y a pas de spécial particulier. Il va y avoir des présentations de la part d'Alain, dont je ne me rappelle plus exactement. Ben, en fait, on va retrouver les chroniques habituelles, soit les éphémérides, les groupes obscurs, les albums classiques, la chronique de la faune chez les amateurs de rock, les beaux programmes d'antan, et ça passe ou ça casse. Ça, c'est minimalement ce que vous allez entendre. Pour le reste, ben, ça va probablement être des choses qui devraient être relativement intéressantes, je présume. Donc, ce vendredi dès 11h jusqu'à 17h, classique les vrais amateurs de vrai rock, aussi autre chose. La semaine prochaine, je vous présenterai un petit spécial, soit mardi prochain, qui est le 18 octobre. Un petit spécial de la formation Destroyer 666. On fera un survol de leurs 6 albums parus jusqu'à présent, ce qui n'est pas énorme pour eux non plus. Décidément, je m'attaque à des groupes qui ont une relativement longue existence, mais avec pas tant de disques que ça. Mais bref, Destroyer 666, spécial pour mardi prochain, ici à Réanimation. Pour le plaisir de la chose, voilà. Et aussi, si vous êtes amateur de métal, en plus d'écouter Réanimation, et ça, je n'en doute pas du tout, j'en suis persuadé. Vous pouvez aussi aller faire un tour du côté de l'émission Subversion de mon ami DJ Tower of Death, qui vous présente son émission Subversion. Voilà, je le répète, mais c'est Subversion. Tous les vendredis de 18h30 sur les ondes de Underground Québec. Et vous pouvez retrouver les podcasts sur SoundCloud, bien entendu. Et si vous désirez aller avoir d'autres opinions, que ce soit au niveau d'album, que ce soit au niveau de cinéma, autres que les miennes, ben, je vous suggère pas du tout de le faire, là. Mais bon, vous avez le droit. Vous pouvez aller voir le blog de mon ami Sinistros, mon triste gobelin pestilentiel, sur hurlemort.com. Ceci étant dit, je vous laisse avec ce que je crois être possiblement pas mal la dernière pièce de la soirée, qui est une pièce d'une formation grecque d'Athènes, précisément, que j'aime énormément, qui donne dans un symphonique atmosphérique death metal que j'ai eu le plaisir de voir qu'une seule fois, mais que je n'ai pas regretté du tout. Je parle bien sûr de Septic Flesh, formation qui est très grandiose et qui est aussi très puissante en spectacle, je dois le dire. Un extrait tiré de leur dernier album paru en 2014, album studio complet, soit Titan, qui est paru le 20 juin 2014 sur Season of Mist. Je vous laisse avec la pièce Prototype et je vous retrouve la semaine prochaine. Et restez des nôtres parce que à 21h, c'est l'émission Matière Noire. Donc, pour les amateurs de métal qui est différent du mien, oui, mais qui peut devenir facilement complémentaire. Donc, je vous laisse entre les mains de Septic Flesh et je vous dis, bien entendu, et ceci n'est pas une prescription, c'est bien un ordre. Allez tous vous faire foutre. See you!